Patrice, bon, merci à nos trois intervenants. On voit que la problématique se précise, mais on n'a pas de réponse. Et donc, en tout cas, il n'y a pas de réponse homogène, puisqu'on est à la fois dans des perspectives de circulation et d'autres qui sont plus près des institutionnalisations, du renforcement des institutions nationales. Ce que disait Rigaz finalement au début, tout ce qu'on peut faire, c'est se brancher sur un grand réseau mondial. C'est un petit peu ce qu'illustre finalement Patrice, enfin, si je raccourcis. Mais en même temps, il y a l'effet à retardement je me demande si c'est un effet à retardement, d'ailleurs, simplement, des politiques de capacity building qui étaient d'autres politiques, qui maintenant sont en train de rendre des effets avec évidemment les décalages, mais qui se trouvent en décalage aussi avec ces grands apologies de la dématérialisation et de la désinstitutionnalisation qui fait que l'avenir est dans la circulation et dans le hors-sol, quoi, d'un certain point de vue. Alors, est-ce que c'est un décalage de politique, finalement, puisqu'elles ont toutes des effets à retardement, ou est-ce que c'est des politiques différentes avec des... un petit peu ce que disait Dominique, c'est-à-dire il y a toujours des particularismes, il y a certes des politiques qu'on retrouve, des grandes tendances qu'on retrouve globalement, quoi, ou mondialement, mais il y a toujours des manières nationales, enfin il y a toujours des configurations nationales particulières qui fait que les mêmes mots, les mêmes nouveaux langages, ou plus ou moins nouveaux langages, les mêmes discours et les mêmes politiques ne produisent pas les mêmes effets, ou en tout cas ne produisent pas un effet d'homogénéisation à l'échelle mondiale. Je sais pas, peut-être que je peux passer la parole. Il y a un certain nombre de personnes et de collègues qui sont venus aussi, comme c'est souvent le cas, en fonction de cette séance-ci. Et ils peuvent aussi vouloir commenter ou apporter d'autres éléments ou poser des questions. Donc je vous passe la parole. Oui. Bien sûr, oui. Ça allait de soi. Non, mais bien sûr, oui. Il y a plusieurs choses. Je m'appelle Caesar Gordon. ça m'intéressait beaucoup sur... En fait, la première chose qui m'intéressait, c'est de le faire de manière à regarder le fonctionnement de la recherche dans des pays du Sud, entre guillemets, parce que c'est un terme qui pose problème aussi. Est-ce que c'est une manière de prendre ou reprendre le pouvoir aux paroles sur la recherche? Et la deuxième question était plutôt qui origine de ces débats postcolonialistes. Vous avez mentionné ce bagage certains chercheurs peuvent voir quand ils peut-être rentrent dans le pays d'origine pour étudier qu'est-ce qui se passe. Et j'aimerais bien savoir si on peut vraiment dire que ça rentre une question sur la légitimité. Par exemple, j'ai des origines jamaïcaines, je fais mon terrain en Jamaïque, mais est-ce que ça veut dire que j'ai une place plus légitime que quelqu'un d'autre? Je ne pense pas, mais je pense que c'est juste deux questions pour ouvrir la discussion. Merci. On va peut-être prendre deux ou trois autres questions pour faire un petit tour avant de grouper des réponses. Oui, Emmanuel Saint-James. Alors moi, je suis pas étudiant, je suis enseignant et je faisais cours et c'est pour ça que je suis arrivé en retard malheureusement. Donc je suis un peu gêné pour prendre la parole et en particulier parce que je suis arrivé au moment d'une phrase qui m'a quand même un peu surpris, qui est que toute cette politique qu'on perçoit quand même comme étant la même un petit peu partout dans le monde ne produirait pas les mêmes effets. Moi, je suis quand même pas... convaincu de ça, je pense que les différences, elles sont marginales et qu'elles peuvent s'expliquer par simplement des différences locales. Alors en particulier, dans ce que j'ai compris de la Colombie, où il y aurait donc des universités qui seraient très axées sur la recherche et d'autres très axées sur l'enseignement, ça répond à quelque chose qui en France justement se présente différemment, c'est-à-dire que nous avons des organismes de recherche, et nous avons des universités de taille mais parfois microscopique, et donc simplement ça correspond à une réalité sociale, pas nécessairement un besoin, ça on pourrait parler du mot, mais bon, moi j'ai pas l'impression qu'on puisse vraiment dire qu'il n'y a pas une ressemblance quand même pour l'essentiel dans toutes les politiques qui sont menées au niveau internationale en ce moment. Je m'appelle Azami Oubari, je suis doctorant. Mon cas est un peu complexe, je vais commencer par un petit commentaire d'abord avant de poser mes questions. Parce que ce qui vient d'être dit ici, je me vois au centre, parce que je suis guinéen, mais je fais mon doctorat au Mexique et je suis en train de faire les recherches en France. Donc, il faut voir ça. Et premièrement, j'ai quelque chose de très clair. J'ai une question pour les deux premiers. Et je voudrais savoir, bien sûr, on pourrait inclure le dernier à exposer, mais c'est spécialement dirigé pour les deux premiers. Et selon vous, qu'est-ce qu'une recherche doit réunir? Quelles sont les conditions qu'une recherche doit réunir pour qu'elle puisse profiter au peuple auquel elle est destinée? Ah voilà, je reviens à l'autre partie, ce que je voulais dire. Et je n'arrive pas à saisir bien la conclusion du docteur tout de suite. Quand il nous dit que, par exemple, si on prend la France, il n'y a jamais eu, ça n'a jamais marché, une communauté scientifique entre, par exemple, la France et ses ex-colonies africaines. Bien sûr, je suis d'accord que l'Afrique a développé la recherche avant. Si je prends, par exemple, l'Afrique de l'Ouest, d'où je viens aussi, il y avait une université à Tombouctou qui développait des recherches, qui faisait des échanges avec le Moyen-Orient avant la colonisation. Mais la colonisation est venue mettre fin à tout ça. Et après, quand elle a quitté, on était à peu près dans le vide. C'est à peu près la poussière qu'on nous a laissée. Et pour reprendre, pour se relever, obligatoirement, on n'avait pas d'autre option que de recourir encore à l'ex-colonisateur. Vous l'avez dit, la plus grande partie de nos chercheurs, de nos grands chercheurs, de nos grands professeurs ont été formés par la métropole. Et comment on peut penser qu'on peut couper ça d'un coup et qu'on va dire seulement, moi, je fais mes recherches seulement chez moi pour qu'elles soient valables. Et si on ne sait pas, on n'a pas fini de se relever encore. Je prends par exemple le cas du Mexique. Je travaille de thèmes africains. Il n'y a pas de bibliographie qui puisse, répondre à mes besoins en tant que chercheur africain qui travaille de thèmes africains au Mexique. Mais en France, non seulement j'ai des spécialistes de l'Afrique qui sont des Africains ou des Français d'origine africaine, et j'ai mille et une œuvres qui parlent des thèmes dont j'ai besoin, et sur l'Afrique de l'Ouest, et sur l'Afrique centrale, et sur l'Afrique de l'Est. Alors je suis un pauvre étudiant, je n'ai pas les moyens d'aller à la fois en Afrique de l'Ouest, d'aller à la fois en Afrique centrale, et d'aller à la fois en Afrique de l'Est. Supposons que j'avais de l'argent pour le faire aussi. C'est pas tout. Est-ce qu'actuellement je ne peux pas aller en Côte d'Ivoire, à Abidjan, dire que je vais faire mes recherches, parce que la situation n'est pas créée. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Rester au Mexique, là où il n'y a rien, comme bibliographie pour mes thèmes. Je suis sûr que Patrice Ngo sera d'accord pour dire qu'il y a en France, des miniatures de l'Afrique. C'est ce que je voulais dire. Voilà. Merci. Bon, merci. C'est la question, on va dire. Peut-être qu'il n'y a pas d'autres questions tout de suite. Vous répondez à celle-là et puis après, on pourra refaire un petit tour. J'étais enseignant au Mexique pendant 6 ans. D'abord, la première question, si j'ai bien compris, vous demandez en fait si cette discussion, enfin cette analyse de la recherche a été une façon de reprendre la parole sur la recherche, c'est ça? En fait, c'était juste inspiré de ce débat, je pense que le ministre, si on va dire. D'accord. Clairement non. Non, j'exagère un peu. Mais en fait, curieusement, en Amérique latine, Il y a eu, je commence par ça, mais je vais parler aussi un tout petit, deux, trois mots des autres continents. Il y a eu une véritable tradition des études de sociales sur la science. Elle est due à l'initiative de deux, trois personnes qui sont des chercheurs qui ont été, qui se sont intéressés, disons, à l'histoire de leurs propres institutions et qui ont formé certains étudiants qu'ils avaient, qui étaient économistes ou sociologues, à l'analyse des institutions de recherche. En fait, une des toutes premières enquêtes sur la recherche qui existe au monde a été réalisée au Venezuela par une professeure de l'Université centrale du Venezuela. Et ça n'a pas eu énormément de suite, mais en fait, ses étudiants, à elle, sont devenus, par exemple, il y avait Nacho Ávalos, qui est devenu ministre de la Recherche 15 ans plus tard. Il y a eu un personnage assez illustre, qui est Marcel Roche, qui est le fondateur du premier institut de recherche scientifique du Venezuela, qui a fondé aussi un département d'études de la science, fin des années 70, début des années 80. Il a reçu le prix Kalinka pour ça. Et dans ce centre, il a accueilli des émigrés argentins qui fuyaient la dictature, dont notamment Hebe Vesuri, qui a formé plus d'une centaine de personnes dans ce domaine-là. Je crois en fait que Hebe a été le pilier fondateur de l'étude sociale de la science en Amérique latine. Elle est en ce moment au Mexique. Elle a quitté l'Argentine au moment de la dictature. Elle a été pendant quelques années aussi professeure directrice du département d'études de la science en Argentine, au Brésil, pardon, à l'université Campinas, puis au Mexique, en ce moment où elle est dans une nouvelle position. Il y avait donc une auto-réflexion, et l'un des livres les plus vendus en Amérique latine en sciences sociales s'appelle « Ciencia y Política ». Il a été écrit par un géologue qui est une première réflexion sur la relation entre la science et la politique. Ce géologue, Amilcar Herrera, a écrit en Brésil parce qu'il était... Il avait fui la dictature, lui aussi. Mais il avait, en fait, une longue tradition derrière lui de réflexion, notamment Oscar Varsavsky, Jorge Sabato, qui ont été des tout premiers ministres de la recherche, les tout premiers représentants des départements, des conseils nationaux de la recherche. Tous ces gens étaient des gens extrêmement prolixes en réflexion, en travaux. Ils ont fait des travaux empiriques très importants, certainement beaucoup plus qu'à la même époque en Europe. Et cette réflexion extrêmement riche, une partie était inconnue. Par exemple, aujourd'hui, on parle de la triple hélice, entre un concept inventé par dans une réunion entre Henry Etzkovitz et Lute Leisdorf, avec justement une Mexicaine, Rosalba Casas, et une autre Mexicaine qui a été l'étudiante, Etzkovitz, qui a donné cette idée, qui est en fait la véritable propriétaire de l'idée, Elsa Blum, qui ne travaille plus sur le domaine. Donc, il y a eu la triple hélice, en fait, elle a été décrite 35 ans plus tôt par Jorge Sabato, qui a été le premier ministre, le fondateur du Conseil national de la recherche argentin, qui était un physicien. Et ce n'était pas du tout par hasard, la recherche argentine était, dans les années après la Seconde Guerre mondiale, extrêmement puissante. Il y a un prix Nobel argentin de l'époque. Et il y avait une véritable école de pensée sur la recherche. D'ailleurs, cette école de pensée avait deux axes en fait, de réflexion et qui se sont transmis dans toute l'Amérique latine et au-delà, je pense, en Afrique, notamment en Afrique du Sud, par des personnes très précises. La première axe de réflexion, c'était la dépendance. Le terme de science périphérique est en fait issu des travaux des économistes latino-américains sur l'économie de la dépendance. Il a été utilisé pour la première fois en 83 par Hebe Vesuri avec ses étudiants quand ils ont écrit un petit bouquin qui s'appelle « La Ciencia Periférica » et qui a décrit les conditions inégales d'accès à la connaissance des pays latino-américains par rapport aux États-Unis et aux pays européens. Deuxième axe de réflexion, ça a été celui de la réponse aux besoins nationaux, aux besoins sociaux, comme vous disiez. Comment, quelles conditions doivent être réunies pour répondre aux besoins du peuple. Et de manière très intéressante, un de nos collègues, Pablo Kramer, argentin, a fait une étude historique, notamment sur la maladie de Chagas. La maladie de Chagas, c'est le palud latino-américain, en gros, sauf que ce n'est pas un moustique qu'il transmet, mais une tique. Cette maladie a été décrite et découverte par Chagas, un Brésilien, et elle existe, elle est très prévalente en Argentine et au Brésil. Et Pablo a étudié justement l'histoire de la formation de ce programme de recherche qui répondait vraiment à une question, c'était comment non seulement éradiquer la maladie, mais faire en sorte que les conditions de vie des gens qui subissent cette maladie soient modifiées pour qu'ils ne soient plus les victimes de la tique. Parce qu'en fait, la tique, elle attaque que les pauvres, elle attaque pas les riches, elle va dans les campagnes, elle va pas dans les villes. Elle attaque les gens dénutris, elle attaque pas les gens qui ont suffisamment bien mangé. Enfin, en tout cas, elle n'a pas les mêmes effets dévastateurs. C'est-à-dire, elle n'est pas complètement idiote, elle va là où le sang est plus facile à obtenir. Et le travail de Pablo montre que, de Pablo Kramer, montre que les chercheurs à cette époque-là ont une conception très, très sociale, on va dire. En tout cas, ils ont en vue de manière très précise les effets de création d'un appareil de santé, de suivi immunologique, les besoins de transformation sociaux que cela implique. Et donc, ils ne s'enferment pas simplement dans leur labo, mais ils créent aussi le système de santé. Au Venezuela, avec le financement d'ailleurs de la Fondation Rockefeller, il se passe quelque chose de similaire avec la création du système immunologique qui fait le premier recensement national, en fait, de toutes les demeures et des conditions de vie des gens sur des périodes allant jusqu'à 40 ans de suite. Les représentants du service immunologique du Venezuela étaient parmi les plus aguerris sur les conditions réelles de vie des gens. Et effectivement, ces travaux ont eu une influence véritable à la fois sur la création d'un système de santé, sur l'accès aux soins, sur un certain nombre de choses. Et au fur et à mesure que la recherche se spécialise et se préoccupe non plus seulement des conditions de vie des gens, mais aussi plus précisément du vecteur, c'est-à-dire de la tique, il y a une deuxième génération de chercheurs qui se préoccupent de la biologie de la tique, on va dire, pour faire bref. Et puis ensuite, il y a une troisième phase qui est on s'occupe du génome de la tique, la génétique du trypanosome. Au fur et à mesure que passe le temps, on se spécialise et les labos qui travaillent sur la maladie de Chagas semblent de plus en plus se déconnecter des conditions de vie des gens, des conditions d'application de la recherche, au moment même où le gouvernement argentin demande, exige même, des chercheurs qu'ils définissent leur recherche en fonction des usages possibles et de l'application de la recherche. Et c'est tout à fait étonnant de voir qu'à l'époque, il y avait un discours tout à fait constitué sur comment la connaissance est produite dans une société en fonction de ses besoins. Et aujourd'hui, où on a des chercheurs qui ne produisent plus ce discours, mais on a un État qui, lui, produit ce discours et demande aux chercheurs de le mettre en musique, quelque part. Donc, ça ne répond pas à votre question, mais ça explique peut-être une partie du problème. Et ça me permet de répondre à cette interrogation que vous avez posée, monsieur, je pense que Dominique va s'attaquer à la question aussi. Juste un mot sur la même politique ne produit pas les mêmes effets. Ce que mon intervention avait souligné en premier, dommage que vous étiez en cours, c'était que justement, la plupart de ces modifications qu'on a décriées ici, l'application d'un système de gestion extrêmement strict, rigide, injuste même, qui mesure la performance des gens en nombre de papiers, qui lie le salaire au nombre de papiers, etc., a été voulu par les chercheurs. Moi, j'ai commencé à travailler au Mexique avant la création du système national de recherche mexicain. Et à l'époque, il y avait à l'Université nationale autonome de Mexico, qui est la plus grande université, qui prétend avoir 350 000 étudiants, mais en fait n'en a que 50 000, puisque les autres, c'est des étudiants de preparatorias. Mais il y avait primer circuito, segundo circuito. Et ce n'était pas seulement matérialisé dans la cité universitaire, parce qu'il y a effectivement un premier circuit, un second circuit sur lequel circulent les voitures dans la cité, et c'est un campus gigantesque. C'était aussi matérialisé dans la tête des gens qui disaient le premier circuit, c'est les chercheurs reconnus, et le deuxième circuit, c'est tous les autres enseignants-chercheurs qui font autre chose, qui ne font pas de la recherche. Et ils se battaient bec et ongles pour maintenir cette différence. Et à tel point que l'Académie mexicaine de la science faisait des sessions pour expliquer quelles étaient les conditions dans lesquelles on devait accéder ou pas à la recherche. Puis vient le système national de la recherche, qui est en fait un système de sauvetage. Il s'agit de sauver les salaires, parce qu'on en était au point africain où on ne payait plus les salaires en 1982. Donc, il s'agissait de payer les salaires des gens, et on invente le système national de recherche pour, sous la forme de sursalaire. Et on lie le sursalaire à la publication. Et ça encore, ça a été voulu par l'Académie mexicaine de la science, et pas seulement par le recteur de l'Université nationale, l'Université autonome métropolitaine, mais aussi par les gens. Donc il y a eu une attitude différente des chercheurs eux-mêmes par rapport à ces outils de gestion. Merci Rigas, on est un peu tenu par la libération de la salle à 19h précise, donc il nous reste 7 minutes. Je vais faire très bref. Donc, justement sur cette question, même politique produit des effets très différents. Alors, il va falloir la reprendre cette question-là en faisant du travail de terrain ici sur les effets des nouvelles politiques qui sont mises en œuvre. On n'a pas encore assez de recul pour savoir qu'est-ce que ça va produire. Ça bouleverse pas mal de choses maintenant, et qu'est-ce que ça produira dans la durée, c'est à voir. Mais globalement, les nouvelles politiques qui ont été mises en œuvre, par exemple en France, ont clairement des effets déstructurants sur les laboratoires de recherche. Les choses sont en train de bouger. On voit bien entre CNRS, université, l'université est en train de prendre le contrôle, mais l'université, c'est pas encore très clair si c'est les filières de formation, si c'est les présidences avec des stratégies pensées au château. Mais en tout cas, on voit bien que ce qui faisait la vie de la recherche, c'était les labos qui faisaient les politiques de recherche, et tout ça est fortement ébranlé. À peu près les mêmes systèmes mis en place là-bas, c'est en train de constituer des équipes de recherche qui commencent à développer des stratégies de recherche et des institutions qui suivent leur groupe de recherche. On est vraiment, enfin bon, c'est un peu rapide, ça demanderait d'être regardé beaucoup plus finement, mais on a quand même des dynamiques qui ont l'air d'être très très très différentes. Or, c'est les mêmes instaurations d'agences nationales d'évaluation de la recherche, d'agences nationales de financement de la recherche sur projet, des choses comme ça. Donc, bon, voilà, il faut regarder plus près, mais en tout cas, en première apparence, ça ne donne pas les mêmes effets. Les chercheurs s'en emparent pas du tout de la même manière. Sur la question de quelles sont les conditions pour qu'une recherche puisse servir un pays, bon, la question est vraiment importante et intéressante. La réponse est vraiment pas simple, mais il y a quelques éléments qu'on peut trouver. C'est qu'il faut établir des connexions avec le pays. Avec le pays, ça veut dire avec des acteurs du pays, c'est-à-dire ou des industriels, ou des paysans, ou des artisans, ou des groupes militants, ou des institutions. Enfin, il faut établir l'articulation. L'articulation entre des chercheurs et d'autres acteurs, ça suppose de prendre du temps, d'apprendre à se connaître, d'apprendre à travailler ensemble. Et ça prend du temps. Et du temps, c'est vite des années et des années et des années. C'est un investissement. Si on met en place des institutions qui ne reconnaît pas cet investissement-là, qui évalue sur des critères genre nombre d'articles dans des revues anglo-saxonnes, ça risque de rendre impossible la construction de connexions. Donc on dit en même temps, on a un discours où on dit il faut que la recherche soit au service de la société et de l'innovation, et en même temps on met des critères d'évaluation sur visibilité internationale dans la revue. Ça a l'air contradictoire et parfois ça empêche que les connexions se fassent. Cela dit, quand on regarde concrètement là où des connexions se font, généralement, les connexions sont faites sur le terrain dans le cadre de groupes de recherche dans lesquels il y a au moins quelques chercheurs qui jouent la visibilité internationale et l'investissement local. Avec Bernardo Herrera, en Colombie, on avait forgé ce concept d'agent médiateur de connaissances, parce que dans l'analyse des réseaux qu'on faisait, on voyait qu'il y avait des acteurs qui jouaient la visibilité et l'insertion internationale et qui jouaient la connexion avec les entreprises, les réseaux d'artisans locaux, etc. Mais c'est souvent une minorité de gens qui tiennent les deux, et ça ne marche que quand on a des institutions aussi derrière qui reconnaissent et qui soutiennent. Voilà, c'est rapide comme réponse. Enfin, je pense que les économistes ont débattu aussi de cette question-là depuis longtemps. Il reste 2 minutes à Patrice pour dire quelques mots. Et après, voilà, vous voyez la différence entre les chercheurs du Sud et ceux du Nord. 2 minutes. Patrice, enfin. Non, rapidement. Et tout à l'heure, on a dit qu'il y a, en fait, le plus grand employeur aujourd'hui des chercheurs africains sur le terrain. Ce n'est pas l'université, ce n'est pas la recherche, ce sont les organisations internationales. Alors, ça, c'est les... Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est eux qui fixent les termes, qui donnent l'argent, qui donnent les... Donc, cela. Ce qui veut dire que, du point de vue de la recherche autonome, il n'y a pas. Et donc, on a une comptage... Parce que, en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est du pouvoir. tous les termes de recherche aujourd'hui que vous avez même dans certaines universités, ça recoupe curieusement les termes de la Banque mondiale. C'est gouvernance, c'est ceci, c'est tout le charabia, et qui fait que même il n'y a aucune consistance là-dessus. Et les gens vont gloser là-dessus, vont gloser pour une réalité qui n'existe pas. C'est pour ça que c'est très important, justement, cette autonomie, c'est-à-dire, or, du fait que c'est du pouvoir, les organes de pouvoir, eux, ont des liens, justement, entre eux. C'est-à-dire qu'il y a une communauté politique franco-africaine, et c'est pour ça que j'avais dit qu'il n'y a pas, malheureusement, une communauté scientifique de ce point de vue-là. C'est pour ça que je tenais à dire ça. Et c'est pas parce qu'il n'y a pas de... Les liens sont personnels, en ce sens que nous, on a tous des amis avec qui on travaille, éventuellement dans lesquels, mais il n'y a pas cette sorte de communauté qui aurait pu justement permettre une sorte de résistance à ce genre de choses.